Are we taking note of the devil's strategies? Est-ce que vous prenez note des stratégies du diable? Do you believe that God will equip you and strengthen you to overcome each one? Est-ce que vous croyez que Dieu va vous fortifier contre chaque? Each one. Chacun. His plan to frighten you. Son projet de vous effrayer. That if you become a missionary, you will die. Quand vous devenez missionnaire, vous allez mourir. Sometimes he will give you a story that is similar to what you don't always afraid of. Parfois, il vous donne une histoire qui est semblable à la vôtre. Anything you are afraid of, he will bring a story. Et tout ce dont vous avez peur, il vous amènera une histoire. You hear that maybe. A missionary has died. Vous entendrez parler d'un missionnaire qui est décédé. Then you also begin to worry. Et vous commencez à vous inquiéter. If I also become a missionary, et si what je will deviens happen to me? Missionnaire, qu'est-ce qui va m'arriver? You hear that somebody went began a church with his wife, and the wife has run away with the church members. Vous allez entendre parler d'un pasteur qui est parti avec sa femme commencer une église, et la femme a pris fuite avec les fidèles. For every fear Satan will bring, pour chaque peur que Satan va amener, God will strengthen you and Dieu va vous fortifier. It is a strategy of the devil. C'est une stratégie du diable. And the reason why I am excited about these things is that, you see, Bishop is bringing them out one by one for et us je suis to know. Très excité par rapport à cela parce que l'évêque sort chaque point un par un. Yeah, because sometimes something can be happening to you. Parfois quelque chose peut vous arriver. But you really don't know what is happening. Et vous ne savez pas ce so, qui arrive. All the things. Number one is donc, what. Toutes ces choses. Point numéro un, c'est quoi? What? Resistance. La résistance. And opposition. Et l'opposition. Number two is what? Deuxième point. Frustration. La frustration. Number three. Troisième point. Blocking. Le blocage. Number four. Quatrième point. Temptation. La tentation. Number five. Du point numéro cinq. All these things, you see, they can be happening to you. Toutes ces choses peuvent vous arriver. But you won't know that this is it. Mais vous ne saurez pas que ça c'est ce dont on parle. Yes. A boy can be tempting you. Un garçon peut vous tenter. You are not happy about it. Vous n'êtes pas content par rapport à cela. But you cannot really identify what is happening. Mais vous ne pouvez pas vraiment identifier ce qui se passe. That is why one of the highest professions is the profession of being a doctor. C'est pourquoi une des professions les plus élevées, plus importantes, c'est d'être médecin. All the 7 years. Pendant tous les 7 années. Are spent to train you how to give something a name. Vous êtes formé à donner un nom à quelque chose. Donc pendant 7 ans. We call it a diagnosis. Nous l'appelons le diagnostic. Because if you don't give it a name, parce que si vous ne donnez pas un nom à cela, you cannot treat it. Vous ne pouvez pas le traiter. But you see, and interestingly, the people who give us the medicines are the pharmacists. Les gens qui nous donnent les médicaments sont les pharmaciens. But they don't spend as many years as we spend in the medical school. Mais ils ne passent pas autant d'années à l'école de médecine comme nous. Even though they have the medicine, bien que eux ils ont les médicaments, we have to give it a name for them to know what to do. Nous devons donner un nom à la maladie pour que eux ils savent ce qu'il faut faire. And this evening we are being trained as spiritual doctors. Et ce soir nous sommes formés comme des médecins spirituels. When you see a temptation, quand you will not call it friendship. Quand vous voyez une tentation, vous n'allez pas l'appeler une amitié. Look at the point. Est-ce que vous voyez? When a boy is tempting, when a girl is giving you feelings, you won't say, quand un oh, this is une fille, friendship. Avec les sentiments, vous n'allez pas dire que c'est une amitié. When a girl gives you an erection, what is the name? Quand une fille vous donne une... Please. Quand listen, une fille vous donne une érection, we are having a camp. You see, c'est un camp. Nothing about what Bishop is teaching us. Concernant ce que l'évêque nous enseigne, look, if you est are une blague. If you are unable to call something by its name, si vous êtes incapable de donner un nom à quelque chose, in fact, we are told that to come to a diagnosis is about 80% of the management of the problem. Il nous a dit que trouver le diagnostic. Because c'était most... 80% de la solution. Most people cannot give a name to a sickness. La plupart des personnes ne peuvent pas donner un nom à la maladie. You see that when you go to the drugstore, all the medicines are there. Quand vous allez à la pharmacie, vous allez voir tous les médicaments. But which of them will you take to treat this one with rashes here and pain here and redness here and a headache here? When you join all of them, it has a name. And to give it the name is the problem. Lequel des médicaments prend pour toutes les conditions? Chaque condition a un nom. That's why I'm asking the question again. Je vous pose encore la question. What name will you? Quel you, nom donneras-tu? Toi, lève-toi. When a girl quand who une is, fille who is not your wife, qui n'est pas ton épouse, through interactions, par les interactions, maybe Bible study, peut-être une étude biblique, prayer, la prière, eating with her, manger avec elle, chatting with her, causer avec elle, you go and see her off, vous allez l'accompagner, whatever it is, peu importe ce que c'est, but at the end of the day, mais à la fin de la journée, you have an erection, vous avez une érection. What is the name of that phenomenon? Quel est le nom de cet phénomène? What's the name? It's called what? Ça s'appelle quoi? Clap your hands for Jesus. Tentation. You can easily call it, oh, friendship. Vous pouvez l'appeler une amitié. Or like a spiritual disturbance. Un dérangement spirituel. Yeah, because if it's a spiritual disturbance, si c'est un dérangement spirituel, what should you do? Qu'est-ce qu'il faut faire? You pray about vous it. Priez, n'est-ce pas? And you bind it. Et vous allez le lire. And you cast down. Et vous le rabaissez. But if it is a temptation, si do you pray about it? Si c'est une tentation, what do you do? Qu'est-ce que tu fais? You run away. Tu fuis. So the name. Le nom. Is what will help you to give it the treatment. C'est qui va vous aider à donner un traitement. Yes. And that is the reason why Bishop is mentioning the name, as if it is an English class. C'est pourquoi l'évêque nous donne les noms. C'est comme si c'est un cours d'anglais. It's not an English class. Ce n'est pas un cours d'anglais. He's giving names. Il for donne you, des for, noms. For you to know that. You see, and that was exactly what Jesus did. Et c'était exactement ce que Jésus faisait. When Peter said to him that you cannot go, quand Pierre a dit tu ne peux pas y aller, he did not say you are disturbing me. Il n'a pas dit tu me déranges. Or you are unspiritual. Ou tu n'es pas spirituel. Or you don't like ministry. Ou tu n'aimes pas le ministère. Or even you don't like Jerusalem. Ou bien tu n'aimes pas Jérusalem. You like Galilee. Tu aimes Galilée. You don't like Jerusalem. Tu n'aimes pas Jérusalem. All these are possible names. Toutes ces choses sont des noms possibles. But Jesus probables. Knew exactly the name to call it. Mais Jésus connaissait le nom exact de donner à la situation. When he gave the name, et quand il a donné le nom, the power got broken. Et la puissance ou le pouvoir a été brisé. You will know what to call every problem. Vous saurez comment appeler chaque problème. Yes, you will know it. And vous le saurez. Once you know it, et une fois que vous le savez, its power will not affect you. Il n'aura plus de pouvoir sur vous. When you are being frightened, quand vous êtes effrayé, you don't say, oh, I'm a melancholic. Vous n'allez pas dire, oh, je suis mélancolique. No, I'm the type who is very sensitive. Je suis le genre d'être très sensible. No, you will say that you are being frightened. Vous allez dire, je suis effrayé. And the spirit of fear, l'esprit de peur, is a demonic spirit. C'est un esprit démoniaque. So when you are afraid, donc quand vous avez peur, to go on missions, d'aller en mission, or to have a crusade in your town, ou de faire une croisade dans votre ville. You plan to have the crusade, and the day of the crusade, you are so afraid that you are praying that the rain should fall. Le jour même de la croisade que vous avez planifié, vous-même vous priez qu'il pleuve. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Satan is at work. Satan est à l'œuvre. Because we have been taught this evening. Parce que nous avons été enseignés ce soir. That being frightened is a work of Satan. Avoir peur ou être effrayé, c'est l'œuvre de Satan. Or, what did Bishop say? Ou qu'est-ce que l'évêque a dit? He said, to be frightened is the work of your temperament. Not il a dit, être effrayé, c'est l'œuvre de ton tempérament, n'est-ce pas? Or, your family background. Bien, ta famille. No, sorry. When you are frightened, it means you are a woman. Non, ça veut dire que lorsque tu es effrayé, tu es une femme. When you are frightened, what does it mean? Quand tu es effrayé, qu'est-ce que ça veut dire? Satan is at work. Est à l'œuvre. From this camp. À partir de ce Every camp. Spirit of fear preventing Tout you from serving God. Esprit de crainte qui vous empêche de servir Dieu. Is broken in the name of Jesus. Est brisé au nom de Jésus. You will not be afraid to fast. Vous n'aurez pas peur de jeûner. I said you will not be afraid to fast and pray. Vous n'aurez pas peur de jeûner. Some of you are afraid that when you do ministry, you won't pass your exams. Certains ont peur que lorsque vous faites le ministère, vous n'allez pas réussir aux examens. But there are people who sit down, please. Asseyez-vous. There are people who have done the ministry alongside going to school. Il y a des gens qui exercent un ministère et en même temps ils vont à l'école. So that fear Donc cette peur is just a satanic agenda to stop you. C'est un agenda satanique, un plan satanique de vous arrêter. Please tell your neighbor that I cannot be stopped. Dis à votre voisin, je ne peux pas, on ne peut pas m'arrêter. Say I cannot be stopped. Dis on ne peut pas m'arrêter. Wow. Wow. Are you excited? Est-ce que vous êtes excité? Do you believe something great is happening? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de grand qui vous arrive? Some of you want to do things for God and Satan comes and he blocks you. Certaines personnes veulent faire quelque chose pour Dieu mais Satan vient et vous bloque. Most of us here have unfinished projects. Beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, nous avons des projets inachevés. A crusade you couldn't have in une your city. Une croisade qui n'a pas eu lieu. A waiting on God you could not do. Une prière attendre Dieu que tu ne pouvais pas, que tu n'as pas pu faire. Starting of a church you couldn't start. Commencer une église que tu n'as pas pu faire. Even their pastors they are afraid to have conventions in their own church. Il y a des pasteurs qui ont peur d'avoir des conventions dans leurs propres églises. But anything trying to block you. Tout ce qui essaye de vous empêcher, de vous bloquer. Is blocked. Est bloqué. I said it is blocked. Et c'est bloqué. From this camp. À partir de ce camp. Once God has put it in your heart. Une fois que Dieu a placé ça dans votre cœur. Decide that nothing will stop you. Décidez que rien ne vous empêchera. That is why Bishop gave us the opening remark. C'est pourquoi l'évêque a commencé par une remarque d'ouverture. You should expect opposition. Faut attendre à être opposé. And I like the word our interpreter he said contester. Yeah. Yes. Contesting. Yeah. And Bishop says there is no spiritual idea. L'évêque a dit qu'il n'y a aucune idée spirituelle God will put in your heart. Que Dieu va placer dans votre cœur. That will not be contested. Qui ne sera pas contesté. Yeah. So what should it cause you to do? Donc qu'est-ce que vous devez faire alors? You should always be on the lookout. Vous devez for être opposition. Vous devez chercher ou être vigilant contre l'opposition. Yes. When we leave here, quand vous quittez ici, we are going to have thousands of members. Nous aurons des milliers de fidèles. Some of you, by the time you enter your country, Satan would have blocked you already. Certaines personnes avant d'entrer et retourner dans vos pays, Satan vous aurait bloqué. He will tell you that you think about the city you are in. Et il va vous dire, pense un peu à la ville dans laquelle vous vous trouvez. Think about the town you are in. Pensez à la ville dans laquelle vous vous trouvez. Think about the senior ministers in your city. Pensez aux ministres principaux de votre ville. Who has a church of 1,000 members? Qui dans votre ville a une église qui a 1,000 fidèles? And truly, when you think about all the churches in your town, et quand vous regardez dans votre ville vraiment, there is no church with 1,000 members. Il n'y a aucune église qui a 1,000 membres. And so the devil will tell you that, can't you see that you are imagining something vain? Donc le diable vous dira que est-ce que vous ne voyez pas que vous imaginez quelque chose de vain? But what you don't know is that it is exactly for that reason that you are going to build a church of 1,000 members. Mais vous ne savez pas, c'est justement à cause de cette raison que vous allez construire une église avec 1,000 membres. What is wrong with you being the first? Où est le mal dans, si vous êtes le premier à le faire? Is it not human beings who are the first? Est-ce que ce ne sont pas des êtres humains qui sont les premiers à faire quelque chose? Are you not a human being? Est-ce que vous n'êtes pas un être humain? Can you not be the first person in Mission Internationale Jésus qui guérit to build a 5,000 member church? Est-ce que vous ne pouvez pas être la première personne dans la Mission Internationale Jésus qui guérit à construire une église de 5,000 places? The point I'm making is that when Satan tells you that nobody does such things. Quand Satan vous dit que personne ne fait ce genre de choses. Tell Satan that you are right. Dites à Satan, vous avez raison, tu that as raison. That is why God wants me to be the first. C'est pourquoi to do Dieu it. Veut que je sois la première. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Honestly, this evening we are having a medical school. Ce soir, c'est une école de médecine. We are being taught how to identify. On nous apprend à identifier. Nothing will stop you. Rien ne va vous arrêter. I said nothing will stop Rien you. Rien ne va vous arrêter. One of the things the devil does is une chose que le diable fait, he's very good at blocking. Il est très capable de bloquer. From, see, it's not just with you. Pas seulement avec vous. As soon as he senses that a great person is about to be released into the system, then he'll try and block anything he must block. Dès qu'il ressent qu'il y a une grande personne qui sera relâchée bientôt dans la société, il commence à bloquer. He was not worried. Il n'était pas inquiet. He never killed any child. Il n'a pas tué d'enfant. Until Moses was born. Jusqu'à ce que Moïse soit né. Until Jesus was born. Jusqu'à ce que Jésus soit né. Before Jesus was born. Avant la naissance de Jésus. Every child was playing in town. Tous les enfants jouaient en ville. Every child was playing in his house. Tous les enfants jouaient à la maison. As soon as Jesus was born. Dès que Jésus fut né. In order to prevent one Jesus. Pour empêcher un Jésus. In order to block one Jesus. Pour bloquer un Jésus. He killed everybody. Il a tué tout le monde. But that could still not stop Jesus. Mais ça ne pouvait toujours pas empêcher Jésus. That is why I'm confident that nothing will stop you from C'est achieving your vision. Je suis sûr que rien ne vous empêchera. That is why I'm confident. Je suis confiant de cela. And you are that great person. Et c'est vous, cette personne importante. Why do you think Bishop has gathered us here? Pourquoi est-ce que vous croyez que l'évêque nous a rassemblés ici? To give us a name. De nous donner un nom. To talk to us. De nous parler. And to describe our destiny et to us. Et décrire notre destinée. De nous décrire notre destinée. If it's a destiny you can achieve with your academic degree, then why did we come here? Si c'est une destinée que vous pouvez accomplir avec vos diplômes universitaires, pourquoi venir ici alors? The destiny ahead of you is an unbelievable destiny. La destinée devant vous, c'est incroyable. And as soon as you imagine it, et dès que vous pouvez l'imaginer, he will tell you nonsense. Il va dire n'importe quoi. But you must also learn to say nonsense vous to the devil. Vous devez aussi apprendre à lui dire n'importe quoi. You have been fornicating for all your life. Toute la vie vous forniquez. You've slept with 100 men. Vous êtes couché avec 100 hommes. You have committed 20 abortions. Vous avez commis 20 avortements. And so what? Et alors? God has forgiven you. Dieu vous a pardonné. But at any time you tell yourself that you will marry a pastor, then Satan will say, never, you will never marry a pastor. Quand tu dis, quand vous dites que vous allez épouser un pasteur, Satan dira jamais de la vie, pas vous en tout cas. But today, mais ce soir, aujourd'hui, today, aujourd'hui, anything that God will do, he will do it. Tout ce que Dieu fera, il le fera. I said he will do it. Je dis il le fera. I said he will do it. Je dis qu'il le fera. But you see, even right now, there's a feeling I'm Même having. Même maintenant, il y a un sentiment. I'm getting a feeling in my stomach. J'ai un sentiment dans mon ventre. It looks like everybody here. On dirait que tout le monde ici is going to pastor thousands of sera people. Sera pasteur de milliers de personnes. And you see, and I'm see. Vous voyez? When I said this, quand je dis cela. Satan said, "Oh, it's only the men." As for the Satan sisters, a dit, "Non, c'est seulement les hommes." No, no. As for the ladies, they are going to be serving tea les and filles, bread. Les filles, elles vont servir le thé. The sisters are going to be singing at the crusade. Les sœurs, they will be singing at the elles crusade. Elles vont chanter à la croisade. No, only the men will become major pastors. Ce seront les hommes qui seront des pasteurs principaux. But the sisters, you won't do much. Mais les sœurs ne vont pas faire grand chose. You'll be singing. Vous allez chanter. And serving ice et water. Et servir l'eau glacée. But I'm here to announce to Mais you. Je suis là pour vous annoncer. That the first mega church. La première méga église. In Mission International, dans Jésus la mission internationale la fin. Will be a sister practical here. Qui va être le pasteur. Amen. Receive it in the name of Jesus. Receive it. Hallelujah. And please, remember that his reasons he will give you will be very good reasons. Il va vous donner des très bonnes raisons. I remember 22 years ago. Je me souviens. When il Bishop, y a 22 ans. Bishop appointed me a pastor. Quand l'évêque m'a nommé pasteur. I mean, for the first week or so. Pendant la première semaine. One of my major battles was that I was being asked to do the wrong thing. Une bataille que j'avais, c'était que qu'on me demandait de faire la mauvaise chose. That I should be playing the keyboard or guitar or drums. Que je devais jouer au clavier ou bien à la batterie ou à la guitare. He wanted to block my ministry. Il voulait bloquer mon ministère. And his reason was a good reason. Et il avait une très bonne raison. He said to you that you know that you are a stammerer. You don't speak properly. Il a dit tu sais que tu bègues, tu ne parles pas correctement. And he gave me examples of pastors who are having nice churches who speak very nicely. Et il me donnait des exemples de pasteurs qui parlaient correctement. He said, "You can never be like these il people." Il a dit, tu ne peux jamais être comme ces personnes. Even at that time, I could not even mention my own name. Je pouvais même pas mentionner mon propre When nom. When I'm speaking, I have to do this. Quand je parlais, je tapais la ladies and gentlemen. Mais messieurs dames. I said, ladies and gentlemen, j'ai dit, messieurs, dames, the very thing Satan said I could not do, la même chose, la chose même by the que grace Satan of God, dit, I'm doing it practically before you. Faire, par la grâce de Dieu, je suis en train de le faire. That is why I know c'est pourquoi je sais that every reason he will give you, n'importe quelle raison qu'il vous donnera, that you are a samara, que vous êtes vous béguez, or you are a girl, ou vous êtes une fille, or you are fornicated too vous much. Avez trop forniqué dans or la vie. God hasn't forgiven you. Ou Dieu ne vous a pas pardonné. Or you were disloyal 5 years ou vous ago. Avez été déloyal il y a 5 ans. We are overcoming every Nous blockage of the enemy in the name of Jesus. C'est toute raison. I don't know about you, but I am very excited. Je ne sais pas vous concernant, mais je suis très excité. There is nothing as powerful as having a name given to something. Il n'y a rien de plus puissant que de donner un nom à quelque chose. Sit down. Asseyez-vous. Prenez place. Some of you sisters. Certaines sœurs ici. When you wake up to have your quiet time. Quand vous vous levez pour avoir votre temps de méditation. When you open the Bible. Quand vous ouvrez la Bible. You don't see scriptures. Vous ne voyez pas les versets. It's the face of a man in the Bible you see. Vous voyez le visage, l'image même d'un homme dans la Bible. The boy you are falling in love with. L'homme avec lequel vous êtes tombé. You can read one verse 17 times. Vous pouvez lire un verset 17 fois. Because your eyes and your mind are filled with the image of a boy Parce you are in love with. Vos yeux, votre esprit est rempli de l'image de ce garçon dont tu es amoureuse. But this evening. Ce soir. Every temptation. Toute tentation. I said every temptation. Je dis toute tentation. And any temptation. N'importe lequel. You are receiving an ability. Vous êtes en train de recevoir la capacité overcome temptations. À surmonter les tentations. Temptations. Les tentations. Yes. And for us here, et je dis à vous ici, nous ici, it's not just a boy or a girl or a man or a woman. Il ne s'agit pas seulement d'un garçon, d'une fille, un homme ou une femme. Some of you will be tempted to break away. Certaines personnes seront tentées de vous séparer. And because when you begin to feel that you are a man of God, quand vous commencez à sentir que vous êtes un homme de Dieu, you don't understand why your pastor should be calling for meetings and we are going here. I mean, you want to be on your own. You want to be free seul, and you not express libre. Yourself. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le pasteur vous appelle. But tonight you are overcoming that temptation. Mais aujourd'hui vous êtes en train de surmonter cette tentation. Any foolish idea Satan will put into your head. N'importe quelle idée idiote que Satan va mettre dans votre esprit. To be independent. D'être indépendant. To be offended. D'être offensé. All these are temptations. Ce sont tous des tentations. You cannot pray. Vous ne pouvez pas prier. You are not advancing spiritually. Vous n'avancez pas spirituellement. Because of something your pastor said. À cause de quelque chose que le pasteur a dit. It has offended you. Il vous a offensé. And you cannot overcome it. Vous ne pouvez pas le surmonter. But this evening you are receiving the power to overcome temptation. Ce soir, recevez la puissance de surmonter. I said the power to overcome temptations. Je dis la capacité, le pouvoir de surmonter les tentations. I said the power to overcome temptations. Je dis la capacité, le pouvoir de surmonter les tentations. You will not be a source of concern to your pastor. Vous ne serez pas une source d'inquiétude à votre pasteur. One of the things we have to be aware of is that Satan can always enter into our hearts and change us. Il ne faut pas oublier que Satan peut entrer dans votre cœur et changer votre cœur. Anybody you know who broke away from Lighthouse, or Lighthouse at that time, and moved away and went to wither away somewhere. N'importe qui, peut-être que vous connaissez, qui s'est séparé de Lighthouse et il est allé se dessécher quelque part. Was tempted. Était tenté. It was a temptation. C'était une tentation. Is something bad happening to us here? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive ici? Is something bad happening to us here? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive ici? Why can't you do the ministry here? Pourquoi vous ne pouvez pas exercer votre ministère ici à Lighthouse? If you are a prophet, si vous êtes prophète, you are a pastor, vous êtes pasteur, you are an apostle, vous êtes apôtre. Don't we have prophets in Lighthouse? Est-ce qu'on n'a pas de prophètes à Lighthouse? So why do you have to leave Lighthouse before you can become a prophet? Pourquoi vous devez quitter Lighthouse pour devenir prophète? It is a temptation. C'est une tentation. Look, whatever you can become it under our Father, peu Bishop Dagwood. Ce que vous pouvez être, vous pouvez l'être toujours sous le ministère de notre Père, so l'évêque. Don't allow ideas. Donc ne permettez pas aux idées that are demonic. Qui sont démoniaques. De nature. And sometimes they come when you are offended. Et souvent ils viennent lorsque vous êtes offensé. You are becoming strong. Vous devenez fort. I said you are becoming Je strong. Je dis que vous devenez fort. You are becoming strong. Vous devenez fort. Look, the French group of churches in Lighthouse. Le groupe des églises francophones à Lighthouse. That you and I know. Que nous connaissons. The church in Lubumbashi. L'église à Lubumbashi. The church in Kindia. L'église à Kindia. The church in Abidjan. L'église à Abidjan. The church in Paris. L'église à Paris. Look, the churches you and I know about. Les églises dont nous connaissons, que nous connaissons. Are going to be totally different in this new season. Seront totalement différentes dans cette nouvelle saison. It will not be the same church. Elle ne sera pas la même église. When you go back, quand vous allez retourner, and you enter your church building, et vous entrez dans le bâtiment de votre église, announce it to yourself that I am stepping into a new ministry under Mission Internationale. Jésus qui guérit. Annoncez ça à vous-même que j'entre dans une nouvelle ministère, la Mission Internationale. Jésus qui guérit. Look, this is the time we are going to have some of the most anointed francophone shepherds. Le moment est arrivé où on aura les bergers les plus loin. Some of the most look this camp we are having, pendant ce camp, par exemple, it actually marks the beginning of your ministry. Ce camp marque le début, le commencement de votre ministère. You have been born. Vous êtes né. Your real ministry votre has vrai begun. Ministère a commencé. We thank God for the 7 years of ministry you nous have disons, done. Nous remercions Dieu pour les 7 années passées. We thank God for the 2 years ministry you've done. Nous disons merci à Dieu pour les 2 ans qui sont passés. We bless God for everything He has used us to do in the time past. Bénissons Dieu pour tout ce qu'il a pu faire au travers de nous. But there is a new season. Mais il y a une nouvelle saison. I said there is a new season. J'ai dit qu'il y a une nouvelle saison. Some of you, the hall, you have your meeting. Certains d'entre vous là, le hall même où vous avez vos réunions. Before you know it, you are having 3 services in that hall. Avant de vous en rendre compte, vous aurez 3 cultes dans cette même salle. You know, you are going to become like a magnet. Vous serez comme un aimant. You will be attracting members and souls. Et vous allez attirer les membres. I said you will be attracting members and souls. J'ai dit que tu vas attirer les membres, les fidèles et les âmes. It is supernatural. C'est surnaturel. Any church represented here, toute église représentée ici, is experiencing the 1,000-member vision we are having. Va expérimenter la vision de 1,000 membres. And any plan of the devil to frustrate you, et tout projet de l'ennemi pour vous to frustrer, block you, vous bloquer, to frighten you, vous effrayer, will never happen in the name of Jesus. N'arrivera jamais au nom de Jésus. Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus. Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus. Let's welcome Bishop to bless us. Et accueillons l'évêque pour nous bénir.